Chapitre 19. Quel doit être le bruit que vient effrayer les coupables lorsqu'on ouvre tout à coup devant eux les portes brûlantes du Tartare? Ou tel encore doit être celui que font sous les voûtes infernales les sept cataractes du Styx, dont les poètes ont oublié de parler?